Ils sont là en fait, il va t'expliquer comment certaines personnes réagissent, comment ils parlent derrière toi, quand un des mecs de leur propre ville, ils sortent un son frère. Ok, ils sont là, tu vas en entendre parler. Écoute bien. C'est que du rap frère. Ok. Ce rappeur a l'audace, ne rappe jamais à l'occasion. Il nous a dit venez, venez prenez place. On s'entasse serré, serré de pétasse. Il nous surclasse, nous laisse sur place. Bref, son texte était technique, un truc comme ça. Il traîne au 48, Tony Owen, Boyka et Mirsa. Ce gars là, c'est pas un scar là, jamais de skate car, jamais de car plat, n'empêche qu'il gère gars. Il fait trop le mec, rappeur des pavillons. J'écoutais un son en faire trembler les gravillons. Je crois que lui et le rap se marieront. Et ben je leur souhaite de crever en union. Il fait trop le mec, je vais lui casser la bouche. Cela n'empêche que je valide sur le pouce. On s'encrasse la face, jamais on prendra sa place. J'oubliais le rappeur dont je parle, s'appelle Nas. Où est passé le grand méchant loup? Ce rappeur n'est pas connu. Je suis humain, rassurez-vous. Trop fort, j'ai avec les bâtons dans les roues. Où est passé le grand méchant loup? Ce rappeur n'est pas connu. Je suis humain, rassurez-vous. Trop fort, j'ai avec les bâtons dans les roues. Nas, mais c'est quoi ce rappeur en carton? On va l'allumer le jour du carnaval en ton. J'ai entendu mon frère dire Kiki qui est sale. Ses refrains sont lourds, hey, il a la dalle. Bref, je vais pas avoir de l'estime pour lui. Je le maudis à chaque fois toutes les nuits. Mais faut le dire, qui rime quand même le type. T'as le seum parce que ta meuf sue sur un de ses clips. Il rime ses dynamiteurs comme nulle part ailleurs. Dans ton baladeur, il change tes humeurs. À la moindre rumeur, ton front y'a de la sueur. Sur Facebook, les gens kiffent, t'es devenu un grand rageur. Faut soutenir, c'est quand même un mec de ta ville. Voilà poteau, même si t'aimes pas, tu pars en vrille. Il a la fougue, le talent, le charisme et la classe. Poteau, t'as peur du gentil, mais controverse, t'es nasse. Où est passé le grand méchant, lui? Ce rappeur n'est pas connu. Je suis humain, rassurez-vous. Trop fort, j'ai avec les bâtons dans les roues. Où est passé le grand méchant, lui? Ce rappeur n'est pas connu. Je suis humain, rassurez-vous. Trop fort, j'ai avec les bâtons dans les roues. Eh hey ouais mon pote, tu vois comment les gens ils réagissent. Ils parlent comme ça, tout va. Ah, après ça va, ils viennent te voir. Ça va, tu vas bien, ah, nanani nanana. L'hypocrisie gratuite gros, on appelle ça. Ah, merlige gros, j'en ai rien à foutre moi. T'aimes, t'aimes pas. Tu balances même 70 bisons si tu veux. Rien à foutre gros. Moi, je rappe. Je suis avec mon équipe, je casse les couilles, y'a personne, plus personne ne casse les couilles. Et c'est tout frère, hein. Meurtrier d'état. D'état. Fleur là. Style d'état. Où est passé le grand méchant loup? Ce rappeur n'est pas connu. Je suis humain, rassurez-vous. Trop fort, j'ai avec les bâtons dans les roues. Où est passé le grand méchant loup? Ce rappeur n'est pas connu. Je suis humain, rassurez-vous. Trop fort, j'ai avec les bâtons dans les roues. We'll be right back.